Chapitre 92. La dignité et la sérénité. Allah Ta'ala dit: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Les adorateurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Sourate 25, verset 63. 703. Aïcha, radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wasalam, a dit: je n'ai jamais vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rire aux éclats au point de laisser paraître sa luette. Il se contentait de sourire. La luette est l'appendice allongé prolongeant le bord postérieur du voile du palais. Al-Bukhari et Muslim.